C'est par un beau jour de septembre, en 1498, que le dodo paie à ses cendres, comprend que sa carrière est cuite. Ce jour-là, cruel destiné, un vaisseau venu de Londres, rempli de marins affamés, fait une escale sur Dodo Land. Comme le dodo n'est pas farouche, et pour les bourses, vous qu'en arrière de louche, le voici qui est dans ses pénates. Pour appliquer en toute hâte. Et notre animal trop confiant vient saluer ses visiteurs. Il a l'air bien appétissant. Le voilà cuisiné sur l'heure. Notre dodo, ce droit d'oiseau, a trop bon dos, c'est son fardeau. Notre dodo, ce droit d'oiseau, a trop bon dos, c'est son fardeau. Ne jugez pas le dodo stupide. C'est la première fois qu'on le prédate. Comme il est gros et pas rapide, il finit victime des pirates. Il faut dire qu'elle ne court pas vite à cause du manque d'exercice. Il ne peut pas prendre la fuite. Il est trop empâté des cuisses. Quand le pauvre crie aux secours, voici que ses congénères accourent. Il n'y a plus qu'à les ramasser. C'est un gibier bien éduqué. Quand on menace ses petits, il défend farouchement son nez. Quoi d'étonnant qu'en représailles. On lui découpe les entrailles. A trop bon dos, c'est son fardeau. Notre dodo, ce bon oiseau. A trop bon dos, c'est son fardeau. Si l'on en croit les scientifiques, le dodo serait d'un pigeon venu autrefois de l'Afrique. En ayant pris de belles proportions sur son petit lapin de terre, il a vécu sans trop s'en faire au cours des derniers millénaires. Une existence de milliardaire. C'est son nom. Dédié festin à Lucullus est devenu emblématique. Au cours de cette existence fatidique, il a destiné de dodo ce poulet de 25 kilos qui a disparu sans esbrouf. Méritait un opéra bouffe. Notre dodo, ce drôle d'oiseau, ce drôle d'oiseau, c'est son fardeau. Notre dodo, notre dodo, ce drôle d'oiseau, ce drôle d'oiseau, un trop bon dos, c'est son fardeau. En barquette, et c'est sûr qu'il ferait recette. Mais le dodo a disparu, blâmons-en les temps révolus, remerciant tous ses marins qui l'ont mangé avec entrain. C'est grâce à eux que nous pouvons glisser le dodo dans nos chansons, le dessiner sur nos blousons, nos t-shirts et nos pantalons, tout en gardant la tête haute, irréprochable quant à la faute d'une extinction que pour changer. Nous n'avons pas assumé.